t'entends. Je te suis, moi. Je te suis, en fait. Ça fait... Attends. Je vais repartir un. Je crois que tu faisais un truc comme ça. regarde les batteries. Alors j'essaye d'en mettre un, ce que j'ai. Attends, j'essaye. Qu'est-ce que j'ai comme... J'en essaye un. Swing, hein, fil. Ah, c'est swing là. Ouais. Attends, j'essaye de la caler. Ouais, c'est du swing. C'est marqué swing. Ah, trop swing, t'aimes pas? J'avais pas lu que t'aimais, t'aimais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces filles qui font? Mais bon, ok. Bebop. Bebop. Moi j'ai dit bebop. Bebop, Lula. C'est quoi bebop? Ouais, c'est le bordel. Funky. Funky jazz. That's right. Funky jazz. T'aimes le funky jazz? Merde, il n'y a plus de métro là. Putain, j'arrive pas à caler ça. T'aimes pas ça? Just funky. Ça colle pas avec ce que tu fais, d'accord. Ouais. Et tu peux pas faire coller quelque chose dessus. Ah, attends. Moi j'en ai. Mais c'est tous des basic swing. Swing, swing. Basic swing, basic swing. Ah, mais il y en a plein. Tu m'entends quand je te parle? Est-ce que tu m'entends? Oui. Quand je parle, tu m'entends? Oui. Acoustic pop. Je sais pas ce que tu veux. C'est quoi le smooth? Smooth. Putain, il y en a plein. Smooth. Quoi le smooth? Stick and add fill. Le stick and add. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Ça, c'est du hip hop là, toi. Bien ça. Vas-y, je te laisse les commandes. En plus, je suis fatigué là. Et j'ai bossé comme un dingue. Oh merde, j'ai arrêté. Ouais, j'ai tout effacé. Moi. Je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, vas-y. Pourquoi il lance le truc alors que j'ai rien demandé? Slow jazz. Du slow jazz. Le slow jazz. Excuse-moi, mais j'avais arrêté le truc. Ça, c'est bien, ça. Le slow jazz. La ride, c'est un peu. Il y en a des soft jazz. Attends, il y a soft. Soft jazz. Soft jazz. Ah voilà, c'est plus cool ça. C'est pas bien ça? Ça c'est pas casse-couille ça. Ah, par contre le truc à la fin il est un peu long quand même. Thank you. de le remettre. Soul Jazz à midi. Comment on fait pour copier ? Copie, copie. Copie, paste. J'ai calé un petit truc. Voilà, là ça devrait être bon. Il y a deux petits trucs. Pas de jazzy en fait, je suis mal à l'aise. J'habite à Ligne. Hey, hey. Hey, hey. Thank you.